Donc, ce qui m'amène, ce qui me motive à défendre les droits humains, c'est tout simplement la réalité dans mon pays, Madagascar, qui est très difficile pour aujourd'hui 28 millions de populations. Nous vivons dans un pays qui est très riche en termes de ressources naturelles, de capital humain aussi, de terres, etc. Nous avons tout pour être bien, pour que tous les droits humains fondamentaux soient respectés en théorie. Et malheureusement, nous sommes opprimés par un régime quasi dictatorial et autoritariste qui prive vraiment toute la population de l'ensemble de ces droits-là. Donc moi, je me dis, en tant que citoyenne de Madagascar, j'ai le devoir de faire ma part des choses pour défendre ces droits-là et réclamer aussi ces droits. Mais ça commence par l'éducation d'abord de la population elle-même, parce que ce n'est pas tous les citoyens qui connaissent leurs droits à Madagascar. Ils ne savent même pas ce que c'est que les droits de l'homme, quel type de droits ils ont, droit à la santé, droit au travail, bref, tous les basiques, il faut encore leur inculquer ça. Donc ça commence vraiment, pour moi, la défense des droits de l'homme et cette inculcation des droits de l'homme, ça doit commencer dès le plus jeune âge. Et moi, personnellement, je suis passionnée par les droits civils et politiques. Et c'est d'ailleurs à quoi je consacre ma vie. Et ça fait un peu plus de 15 ans que je le fais maintenant. Et j'ai une passion également pour la démocratie. Et tout ça se complète, hein, parce que je rêve d'instaurer une véritable démocratie à Madagascar. La démocratie dans le sens où, pour moi, c'est une philosophie de vie dans laquelle tous les individus, tous les citoyens ont des droits égaux. Donc voilà le lien pour moi entre droits de l'homme et démocratie. Mais pour y arriver, aujourd'hui, je travaille pour Transparency International parce que je suis persuadée que si on n'arrive pas à éradiquer la corruption, tous nos efforts seront vains pour réaliser les droits de l'homme, les défendre et les réclamer. Voilà un peu mon histoire, voilà ce qui me motive. Donc, je défends les droits parce que je veux donner un avenir meilleur à mes enfants, à nos enfants et à l'ensemble de l'humanité. C'est un pas humblement que je fais parce que je sais que je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan des êtres humains, hein, mais c'est un engagement que je prends et que je défends avec fierté. Merci.